rentre pas en boîte, faut que le videur. J'ai vite BDH profiteur. J'suis ailleurs, comment vous dire. J'ai mis de la beuh dans mes grinders. J'suis qu'un jeune de cité. J'vois des belles femmes, j'suis excité. Demande pas de choisir. Ma mère, j'vais jamais la quitter. Plus d'amour, faut pas déconner. Putain, leur dit assez donné. Tu me dis qu'elle c'est une fille bien, mais tout le monde dit qu'elle s'est fait donner. Du mal à dire si un mot. Pourtant on est collé comme des siamois. J'm'en cherche à toi mais j'ai pas les mots. Car tu sais que la fierté c'est en moi. J'veux pas me lever tôt. J'suis ailleurs c'est trop. J'veux pas tomber tôt. J'laisse le passé dans le rétro. J'veux pas me lever tôt. J'suis ailleurs c'est trop. J'veux pas tomber tôt. J'laisse le passé dans le rétro. Et je vois des signes. Mon avenir dessine. Mon but finir riche avant le boule à Gilo dans ma piscine. Tu te sens avec moi. Non mais j'hallucine. C'est quoi ma faute? Excuse-moi, j'préfère ta cousine. J'peine sous cigousse. Fais gaffe sur qui tu t'appuies cousse. T'es trop sur les nerfs. T'énerves tout le monde, faut faire la picousse. Comme le linge et le blues. Dans le mal on est tous. C'est l'hiver dans le sud, il fait chaud. Trop de shit, oublie vite, on étouffe. On a rien à voir, écoute. Plutôt sur toi je doute. Attends faut que tu filmes ma bouteille.